oublient l'éternité autour. Pour quelle prochaine chasse nos ailes vont se déplier. Cela passe de loin, laisse-les vivre encore. Qu'ils ne nous voient pas, ils cherchent un lendemain. Nous sommes retenus pour quelques nuits. Du sang vivant pour nos zombies. Sur la mèche, fais taire les bougies, le bruit des prix.